On continue à dérouler les doublettes de l'aspect française avec une, ma foi, fort bonne découverte. Je savais pas trop quoi m'attendre et j'étais plus que convaincu par le tout premier EP de Uppercult, le groupe de hardcore beatdown qui nous vient de Troyes. New Real Violence, un petit EP en autoprod, ma foi qu'il est bien bon. Et en doublette, une autre nouveauté, les vétérans de la scène black venus du sud-est, Gorgone. Le groupe revenu aux affaires il y a quelques années, il y a 2-3 ans, qu'il avait sorti The Veil of Darkness chez Osmose Productions. Musicalement, on en est où chez Gorgone, un black metal d'inspiration bien old school, avec cependant une prod un peu plus moderne, un peu plus soignée, qui rend vraiment hommage du coup à la qualité d'inspiration. Voilà, on est sur un black bien, bien frontal, bien virulent. C'est absolument parfait. Voilà donc pour la doublette à venir, Uppercult, on va s'écouter le titre éponyme, pardon, le titre éponyme du groupe, donc le titre Uppercult de leur nouvelle EP New Real of Violence. Gorgone, ensuite Traditio Satanae, toujours une sortie Osmose Production, et on s'écoute le titre Let Me See Behind. crado, du brillant, du dégueulasse, Corrupted, nouvel extrait de l'EP de ce one-man band, Hawks in Flesh. Corrupted, on est sur une pure inspiration Mortician, Putrid Pile, voilà l'espèce de vieux death grindest bien dégoulinant du début des années 2000, fin 90. Corrupted, on va s'écouter le titre de l'EP Hawks in Flesh avec les samples qui vont bien. Et une autre sortie teintée de death metal qui nous vient de France, Devolution. Dedans, on retrouve un seul Zikos, encore une fois. Je crois qu'en France, on a un petit peu de mal à monter des groupes, hein, entre Essoc Trillium, Devolution, bon, et Corrupted. On est sur un Black Net Death, voilà, formé par un guitariste de Anthropophago, qui était notamment ex-batteur dans Sonodagre, qu'on vous a diffusé un peu plus tôt dans l'année, groupe de black metal. Parole intégralement français, niveau inspiration, le gars précise que ça va aussi bien chercher dans Behemoth que les débuts d'Amon Amarth, qu'aussi bien Dissection, voire même du Deicide. Une belle avant-première, parce que l'album ne sort qu'en juillet, et nous avons eu la chance de l'avoir en intégralité bien en avance. Corrupted, Hawks in Flesh, et dans la foulée Devolution, extrait du premier effort studio intitulé Consumé, prévu le 2 juillet, et on s'écoutera le titre Déliquescence. C'est parti. Thank you. Du Revival et du Chaos, c'est la doublette suivante avec une nouveauté encore, Blazon Wright, groupe de Revival Heavy Ricain. On a diffusé leur premier EP l'an passé, et là on est sur un premier effort longue durée. C'est cool, c'est du bon Revival Heavy Epic, avec un vocaliste, bah, ma foi, qui tient bien. Le micro et les parties vocales, voilà, encore une fois, on ne coupe absolument rien pour la magie du presque live. Et Blazon Wright, un extrait donc de leur premier effort studio longue durée, Endless Halls of Golden Totem. Et dans la foulée, le chaos total et absolu signé Porto, l'extrait de leur nouvel album intitulé Avo. Une sortie toujours profonde de leur record. Executioner Wow, le titre de Blazon Wright, Drain, signé Porto dans la foulée, c'est parti. Attention, une nouveauté peut en cacher une autre. Hein. Pour rappel, vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, les rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Et à partir du lundi en fin de journée, via notre petit blog Elbanger Radio Show Blogspot, on arrive déjà en fait à la fin de l'émission. Et donc là, une doublette de nouveautés, une doublette africaine. Et oui, c'est vraiment pas souvent qu'on a l'occasion d'avoir de telles doublettes. On a déjà des groupes qui viennent de ci, de là. Et là, on a une doublette avec tout d'abord une formation de Black and Death qui nous vient d'Égypte, Crescent. Forcément, le lien se fait avec le groupe Scarab qui vient également d'Égypte. Donc forcément, coucou Nile. Troisième album studio qui sort chez Listenable Records. Le groupe existe quand même depuis 1999, mais les productions studio ne sont venues qu'une dizaine d'années après. Voilà, donc pour Crescent, qui nous sort Craving the Fire of Akat, sortie dispo le 25 juin chez Listenable Records. Et dans la foulée, on va chercher encore plus loin en Afrique, et ça c'est vraiment super cool d'avoir des groupes comme ça qui parviennent jusqu'à notre connaissance. Nishayar, groupe éthiopien, extrêmement productif, pardon, 5 albums en 6 ans d'existence. On est musicalement entre du post-metal, voire même post-rock, cosmic black atmo. Voilà, enfin c'est des ambiances assez planantes, assez cosmiques, et tempo assez lent. Enfin voilà, c'est une musique vraiment hors du commun. De plus, à savoir que ça nous vient d'Ethiopie, ça attire encore plus notre attention. C'est le groupe le plus décalé de l'émission d'aujourd'hui, cependant ça a complètement sa place dans la prog. Naaxar, c'est le nom de ce donc cinquième effort studio. As nous Eshrine Death, le titre pour Crescent. Ext, le titre pour Nishayar. C'est parti. Buried is the falcon, buried. encore une doublette de nouveautés pour presque clôturer l'émission d'aujourd'hui. Tout d'abord, Lucifer's Hammer, groupe de revival heavy, typé années 80, qui nous vient du Chili, formé en 2012. Troisième effort studio, absolument rien de neuf, c'est le principe du revival. Cependant, c'est vraiment bien foutu, ça sointe les 80 comme il faut. Vocalement, musicalement, tout y est. Et même au niveau de l'artwork de l'album, c'est absolument kitschouille. Prod à l'ancienne, sans que ça fasse non plus trop, comment dire, passer à la naphtaline. Et voilà, 7 titres pour 30 minutes. C'est absolument parfait ce que nous propose Lucifer's Hammer. Dans la foulée Narbelette, on est toujours en Amérique du Sud. One Man Band originaire de Cuba, aujourd'hui installé en Espagne. Voilà, voilà, putain, on arrive à la fin de l'émission, du coup à la fin de l'enregistrement, je commence à être bien cramé. Narbelette, donc initialement One Man Band cubain, qui évolue aujourd'hui en duo basé en Espagne. On est sur du true black metal ultra classique d'inspiration scandinave, aussi bien norvégienne que finlandaise. C'est du classique calibré ultra codé à tous les niveaux. C'est cependant hyper bien foutu. Voilà. Tenez-le vous pour dit. Lucifer Hammer, Narbelite, ça ne révolutionne absolument rien et pourtant c'est ultra plaisant à s'écouter. Lucifer's Hammer, une sortie High Roller Records, l'album s'intitule The Trip. On s'écoute le morceau Land of Fire. Narbelite, Summa Cum Nox Arcana. L'album est déjà dispo et on s'écoute le titre Nox Arcana. C'est parti. We'll be right back. on arrive à la clôture de l'émission d'aujourd'hui, histoire de finir de faire dégouliner vos enceintes. Disembodiment, formation de death qui nous vient du Québec. Premier EP studio, Mutated Chaos, une sortie Everlasting Spew Records. On va s'écouter le très très bon et très dégueulasse Sickening Abomination Terrorizing at Night. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.